Alors, pour en terminer peut-être avec les scénarios, avant de passer aux moyens techniques de tournage et de montage, parler un petit peu peut-être des scénarios qui n'ont éventuellement pas été retenus, ou des tournages qui ont été un peu difficiles. On parlait notamment du cas du film polonais, où ça a été une expérience un peu compliquée de mener le tournage à bout. Non, enfin, il y en a deux. Le plus symbolique, pour moi, c'est l'histoire du portugais. Parce qu'on a tourné pendant longtemps avec la communauté portugaise. En plus, on y croyait dur comme fer, parce qu'il y a eu les élections à ce moment-là au Portugal. On a installé tout un dispositif pour filmer à la Maison Portugal le jour où il y aurait les élections. En fait, ils ont joué au billard et au baby-foot toute la soirée. Et ça les branchait pas trop. Donc, pareil, mais ça a été un peu comme les Français. Donc, ils ont été toujours accueillis magnifiquement, etc. Et on filmait aussi, ils avaient fait venir un consul du Portugal qui est venu là avec deux Mercedes. Donc, on a filmé tout ce qu'ils voulaient qu'on filme. Et là, on a commencé. C'est ça qui a été différent, c'est qu'on n'a pas fait d'affiches. Ça a commencé sans que les préliminaires de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on faisait, etc. Et donc, après un mois et demi de tournage, ils se sont réunis avec Dante pour voir c'est quoi le scénario. Et ils ont dit un peu comme les Français, quoi. Ça serait sympa de filmer les grands repas qu'on fait chez nous. Et donc on n'a pas tourné le grand repas, mais il restait longtemps l'idée qu'on allait le faire quand même. Donc Gatti a écrit un scénario, Hélène l'a monté, et puis quand on l'a regardé, il est apparu que c'était un problème par rapport aux autres, quoi, que tous les scénarios avait été porté par un émigré, par quelqu'un du groupe, pas celui-là, donc ça voulait dire qu'on pouvait faire un film malgré tout, qu'on avait besoin de personne, donc ça annulait toute la démarche, donc on l'a jamais diffusé, voilà, donc il a pris la décision de jamais le diffuser. Et le polonais, c'est un peu plus compliqué, c'est parce que c'était quelle histoire raconter avec le groupe folklorique Serena, donc pour Dante c'était un peu difficile de voir comment ils étaient, c'était des francs-comtois très contents de participer à ce groupe folklorique, et donc il s'est mis d'accord avec eux, parce que quand on était là-bas à Montbéliard le 1er mai, il n'y avait pas une seule manif, il n'y avait personne dans la rue, donc on était un peu sidérés, quoi. Et donc on s'est dit, on va poser cette question avec vous, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à Montbéliard le 1er mai? Donc il y a un plan, on voit une rue vide. Deuxième plan, on voit une rue vide. Troisième plan, on voit une rue vide. C'est le 1er mai. Voilà, c'est c'est comme ça que Gatti a contourné la difficulté d'aboutir à un scénario avec le groupe polonais, qui était par rapport aux gens les plus charmants de la Terre. Donc les tournages ont duré de février à juillet 1975. Oui. On n'a pas précisé pour l'instant la durée même des tournages. C'est assez court. Finalement, oui. Vous êtes resté 3-4 mois. Oui. Je fais le calcul, quelque chose comme ça. 3-4 mois sur place. Et on va le voir, mais dans un second temps tout à l'heure. C'est évidemment le temps de montage qui sera le plus conséquent. Hein, plus de 2 ans à travailler à partir de ces rushs. Tournées et qui seront au nombre de, on a vu, 86 heures. Donc c'était absolument gigantesque, pour ensuite un total de 5h30 finalement de film à l'issue donc de ces montages. Donc en termes de moyens techniques, ça, on l'a dit, déjà tu étais toi avec Hélène sur le tournage, en train de tourner, vous aviez 2 magnétoscopes, toi récupéré de Ned Burgess, tu le disais tout à l'heure, Hélène ayant acheté le sien justement à peu près fin 71, début 72, à peu près il au moment plus où moderne, elle s'agrège. Il permettait de relire, il avait une marche arrière, et il y avait plein de choses. Le seul problème, on le voit certaines fois, c'est qu'il faisait une image plus grise. Il était techniquement mieux, mais il était un peu grisounet. Le sien relisait et pas le tien. Ah non, le mien, il faisait rien du tout. C'était une sorte de boîte. On appuyait, il avançait, et il ne pouvait pas faire marche arrière. Et on ne pouvait pas effacer. Donc, il fallait attendre de retourner au magnétoscope. Et donc, c'est pour ça que le film que vous ne verrez pas aujourd'hui, qu'on a fait dans le Brabant Wallon, parce qu'il y avait à ce moment-là un assistant de Godard qui était aux Beaux-Arts et qui avait monté la théorie en disant « La vidéo, il ne faut pas monter. » On lance les magnétoscopes et tac, tac, tac, on rentre les plans comme ça. Alors, c'était quand même un garçon qui faisait... Je sais pas comment il s'appelle. Est-ce que c'était Gérard Alain Martin, Jacquet hein. Non, c'est pas Gérard Martin, non. Alain Jacquet, pardon. Non, Gérard Martin. Non, c'est pas Gérard Martin. Hein. Et Alain Jacquet, alors. Peut-être. C'est un petit brun. Et c'est pas. Ça peut être. Qui était au Beaux-Arts à IP6. Je sais pas, je l'ai vu là-bas, il avait le matériel. Il n'était pas étudiant. Technique. Voilà. Conseiller technique. Voilà. C'est Jacquet. Ça doit être Jacquet. Alain Jacquet. Jacquet, voilà. Jacquet, Alain Jacquet. Voilà, il avait théorie. Nous cherchons désespérément, donc. Donc, je rends indirectement hommage. Et donc, c'est vrai que nous, on était... Donc, le tournage du premier film qu'on ait fait comme ça, en vidéo, chaque plan durait une cassette entière, 20 minutes. Et quand on voulait recommencer, on retournait complètement avec les comédiens la cassette entière, jusqu'au moment où c'était bon. Donc, le film est fait de 5 bandes de 20 minutes, sans coupure. Juste, ça faisait que quand on le projetait, on mettait la bande, tchoc, on pouvait le reprojeter, il n'y avait pas de... vraiment de moyens de montage. Et donc c'est avec, grâce à Paul, qui a mis en dispositif avec, je sais pas, peut-être le moment d'en parler, il était ingénieur chez L'Oréal, il était mathématicien, physicien, enfin il était tout, et la vidéo l'intéressait justement pour lui ça a été le moyen, l'outil pour rencontrer des gens. Comme c'était un solitaire profond, il pouvait rencontrer les gens que s'il avait une caméra à la main. Il le faisait très bien. Et c'est lui qui avait trouvé ce moyen très simple de monter. On avait un IVC avec deux fils qui partaient de l'autre magnétoscope. Et on prenait des repères, on reculait un magnétoscope de 15 secondes, l'autre de 10 secondes. On avait des repères, on lançait, clac, le premier magnétoscope. 5 secondes après, on envoyait le second. À zéro, plaf, on rentrait le plan et on rentrait aussi le son, le commentaire, la musique en même temps. Et donc, c'est pour ça que ça a pris énormément de temps. Quoi. Il y a des jours où Hélène, quand elle arrivait à monter une minute, elle disait « Ah, j'en peux plus, c'est de la dentelle. » Et effectivement, vu comment était fait le scénario, il n'y avait pas de place pour... Donc, c'était pour l'époque, c'était beaucoup de collants, on appelait ça à l'époque, beaucoup de collants. Il y en avait 360 à peu près par film. Et donc, comme en plus le travail a fait qu'on les a montés une fois, parce que Gatti nous a donné les scénarios, puis il est parti ailleurs. Donc nous, on travaillait pendant ce temps-là. Puis il est revenu après. Donc là, critique du montage, comment il était fait, etc. Et donc, c'est vrai qu'au bout d'un an, on avait tout monté une fois. Il a fallu tout recommencer à zéro, parce qu'on ne pouvait pas recopier, parce qu'il y avait des pertes de définition, etc., etc. Déjà que c'est pas... on le voit quand même. Mais ça prenait un temps infini. De quelle manière vous étiez répartis les tournages entre Hélène et vous ? Comment c'était la répartition des tournages ? Comment elle s'était organisée entre Hélène, donc l'équipe d'Hélène et la vôtre ? En fait, ça s'est fait, le tournage, c'est plus le hasard. C'est vrai que Hélène a été plus intéressée pour travailler avec des gens de l'Est. Mais le géorgien, j'étais arrivé un peu avant, donc j'avais commencé, donc... Et puis après, donc, quand elle est arrivée, elle a pris en charge les Portugais, les Polonais, le Yougoslave, plus tous les tournages de plans de coupe, magnifiques plans qu'on voit au début, où on voit les paysages, les visages des ces Turcs, c'est elle qui l'a fait. Et pourquoi Gatti partait ? Il travaillait sur du théâtre ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Il n'a pas arrêté. Il est resté un mois. Ce projet et d'autres en même temps ? Non, pas pendant le tournage, il était tout le temps là. Mais après, pour le montage, oui. Il est resté 2 mois à écrire les scénarios, et après, on ne l'a pas vu pendant 2 ans. Il venait juste regarder, ça va, ça ne va pas. Alors, c'est vrai que c'était le premier montage sérieux que je faisais, c'était un peu rude, quoi. Le scénario qui est déposé à la BNF, un magnifique objet, c'est sûrement le plus bel objet de l'écriture de Gatti. C'est un très grand livre, c'est des grands livres de cons, ça, comme ça... Il n'y a pas de pompe dessus, très grand livre, une carte très cartonnée à l'extérieur, et où tout est écrit. En plus, il faisait des pliures pour indiquer, enfin, un certain nombre de choses pour lui, comme ça. Il reprenait à l'intérieur du scénario, il reprend un certain nombre de dessins, enfin des dessins d'affiches, qui sont d'ailleurs utilisés pour quelques-unes dans le film. C'est un objet en soi tout à fait exceptionnel. Enfin, ce plan graphique, ce plan d'écriture, effectivement, ils avaient cet objet, enfin, eux, à partir duquel ils montaient. Et puis un truc qui nous faisait rire avec Hélène, c'est que Gatti défend l'idée que c'est les mots qui convoquent l'image, et pas le contraire. Donc on avait des plans comme ça, où Gatti écrivait juste 7 heures du matin, c'est l'heure où le camion de Utujan traverse la ville. Alors on dit là, Gatti, c'est quoi le camion de Utujan? T'as déjà vu le camion de Utujan? Donc effectivement, c'est en même temps qu'on regarde le premier, la présentation, c'est effectivement c'est la convocation qui crée cette dynamique comme ça, où il donne des noms, des machins, des repères. Nous, après, on devait, pour certains plans, inventer le camion du Tudjan. Je voudrais faire une remarque. On est frappé quand même par la qualité de technique de l'image qui soutient la comparaison avec les images 16 mm. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les images prises par FR3, elles sont pas, bon, elles sont un peu meilleures, mais pas nettement supérieures. Quoi. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais moi, c'est voilà. Hein. Alors, la deuxième remarque sur le plan technique, c'est vrai que c'était difficile de monter au chronomètre, mais c'est aussi l'époque où les Sony arrivaient, etc. Et tout le monde montait au chronomètre. Et avec un peu d'expérience, on y arrivait très facilement. Hein. C'est pas compliqué. Hein, c'est long. C'est pas compliqué, mais ça supposait une écriture, effectivement, une pensée, vraiment le film, préalablement, puisqu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Ça, c'est le seul truc. L'autre remarque sur le contenu, c'est que vous dites c'est le film des ouvriers. Moi, j'avoue que ça, c'est très beau, hein, très beau travail. Mais on ne peut pas dire que ce soit eux qui ont écrit le film et qui l'ont réalisé. Je veux dire, là, moi, ça me... Il y a quelque chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, c'est très structuré par Gatti, par vous, par etc. C'est un très beau travail, mais... Laissez croire que ce sont les ouvriers qui ont fait le film, moi ça me... Voilà. Ça, c'est une question. C'est une question qu'on voulait amener tout à l'heure, justement, aussi avec Jean-Paul Fargier et avec Nicolas Hatzfeld. Donc, dans un second temps, sur les justement, cette question aussi du double statut, voire du triple, peut-être, statut du film. Donc, tu anticipes un tout petit peu, mais, si tu veux déjà répondre, effectivement, Stéphane, et puis on y reviendra après, parce que je pense que c'est... Tout à l'heure, parce que je voudrais comme... Oui, mais je vais... D'accord. Non, c'est juste que si tu non, as dans, tout dans à le dire document chose. De France 3 qu'on a vu au début, c'est clair. Gatti dit on va écrire ensemble, on va tourner ensemble, les gens seront devant, derrière la caméra. Bon, déjà, ils ne sont pas souvent derrière, ils sont plutôt devant. Mais il ne dit pas le montage, il ne dit pas vous allez faire le montage, les gens vont faire le montage. Et c'est très frappant qu'il s'arrête au moment du tournage, parce que tout le film après se fait. Au montage. Il s'est fait aussi au tournage, puisqu'il a lancé toutes ces opérations pour qui ont produit toutes ces scènes. Mais voilà, les gens fabriquent des scènes avec leur vie, avec leur imaginaire. Et lui, c'est quelqu'un qui déclenche l'imaginaire, qui libère l'initiative individuelle ou collective. Et puis après, il faut structurer. Ça, sinon, il faut un artiste pour faire ça. Alors, on va approfondir cette question vraiment, parce que je pense que ce sera celle qui va animer l'essentiel de la discussion avec vous tous et toutes. Peut-être qu'avant de parler de cela, c'est aussi la question, je dirais, de l'écriture au montage qui se pose. C'est-à-dire qu'au moment du montage, justement, cette question de l'écriture gatienne, mais aussi l'écriture que vous-même, toi et Hélène, allez accomplir, elle est décisive. Donc c'est au croisement de multiples actions. Finalement, ces films sont produits de multiples démarches. Donc, donc voilà cette question. Comment se passait finalement le travail à trois au moment du montage maintenant, et quelles étaient un petit peu les méthodes expérimentales, puisqu'on a pu lire que le principe qui avait été mis en place est effectivement un principe d'écriture par temporalité. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce dont il s'agissait? Juste par rapport à mon avis, sur lequel il le dit qu'ils vont tourner, mais en fait, pour nous, c'était absolument carré, parce qu'il y avait une démagogie à l'époque où les animateurs culturels arrivaient en disant, voilà, il y a du matériel, c'est facile à utiliser, vous en servez. Ça donnait la plupart des fois des trucs atroces et décourageants. Et donc, on est arrivé immédiatement en disant, voilà, nous, on fait la technique, et avec vous, on voit de quoi on parle, comment ça se passe, etc. Donc, c'est Nicolas qui en parle très bien dans son article, ces différentes stratégies pour qu'ils prennent la parole. Pas forcément qu'ils fassent un film, mais on met différents trucs en place. Bon, il y a le fait qu'ils fassent le scénario, il y a le fait qu'à un moment donné, ce qu'on appelle la théorie, les ailes, à chaque fois... il y a un certain nombre de thèmes qu'on voudrait que eux, chacun de leur point de vue, marocain, italien, yougoslave, etc., essayent de parler sur qu'est-ce que c'est que ça veut dire un film, etc. Donc, tous les moments clés du film se jouent autour de la question de la prise de parole. Et on le voit bien. C'est pour ça, moi, je donne toujours cet exemple de le film italien, parce qu'on fait le banc-titre avec eux. Sérieux, les cadrages, les machins. Donc, effectivement, je mets toujours les verres au milieu parce que c'est mon beignard, mon bicchiere. Donc, c'est un verre. Donc, on essaye de raconter ça uniquement avec des verres, avec eux dans le fond. Et quand ils voient toutes les photos, ils nous disent, mais vous êtes tarés. On nous voit vraiment toujours derrière des verres. Qu'est-ce que c'est que ce film? On n'existe pas, on ne vit pas, on n'est pas en chair, c'est des effets statiques. Nous, on n'en veut pas de votre film, là. Donc, OK, on ne veut pas de votre film. Donc, on tire toutes les photos en grand qui ont été faites pour ça, on voit l'image tout à l'heure, on met tout à plat et dit, voilà, vous décomposez le film et puis vous racontez pourquoi c'est inepte ce ces techniques qu'on voulait mettre en place. Donc c'est à chaque fois d'être suffisamment attentif pour que tous les problèmes que ça pose soient remis en scène à l'intérieur de la dramaturgie du film. Alors c'est vrai que la question de choisir le temps pour raconter Montbéliard, ça s'est passé uniquement dans la marmite de Gatti. C'est-à-dire, on l'a vu arriver et on a trouvé que c'était un truc qui marchait formidablement bien parce que les heures, les jours de la semaine, les mois, les années, ça permettait tout d'un coup ce déploiement qu'on sent directement quand commence le film polonais où tout d'un coup on a l'impression d'une énorme machine qui se met en route. Et donc, on a fait une vraie machine qui pouvait largement faire le poids au fait qu'on était interdit de séjour à l'intérieur de Peugeot.